place. À bientôt. À la semaine prochaine. Ciao. L'Association des étudiants maliens du Nord de France et l'Union des Maliens du Nord de France vous invitent à leur journée culturelle ce samedi 11 avril 2015 à la salle des fêtes Alfred Deken, située au 46 rue Jean-Baptiste Bonte à Villeneuve-d'Ascq. Au programme, de 11h à 19h, des concerts, danse traditionnelle, jeux concours, spécialités maliennes servies toute la journée. Plein d'autres surprises. Entrée libre. Pour plus d'informations, contactez le 06 52 32 98 67. 06 52 32 98 67. J'emmerde la flicaille et tout ce qui s'ensuit. J'emmerde les militaires, la morale et le droit. J'emmerde les rapataires qui écrivent nos lois. Société caca, société pipi, société capitonnée capitaliste. Société caca, société pipi, arrête-toi société, j'ai trop envie de pisser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 FM. Et après Torres Latino, maintenant c'est la place à La Voix sans maître, comme tous les vendredis soirs à 20h. Ce soir, on va parler de différentes choses. On va lire quelques textes et puis on va quand même commencer par l'agenda, comme toutes les semaines. Exactement. Voilà. On rappelle que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00 03 20 91 24 00. Et puis, bah, on va commencer par cet agenda. Et bah, du coup, cet agenda qui commence dès ce soir avec un rencard à 20h30 au CCL, c'est-à-dire dans une demi-heure. Vous avez pile poil le temps de vous rendre aux 4 rue de Colmar à Lille, à côté de la rue des Postes, métro Porte des Postes. Pour ce soir, la lecture d'un texte de Thierry Maricourt qui s'appelle « Mémoire d'un nouveau-né » qui sera faite par la compagnie À l'évidence 3 petits points. Et du coup, cette lecture sera suivie d'une discussion avec l'auteur du texte, Thierry Maricourt. Juste deux petits mots peut-être pour préciser un petit peu. Thierry Maricourt, c'est un écrivain anarchiste qui a écrit plusieurs textes, dont celui-là, qui a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de la littérature anarchiste. Et là, le Mémoire d'un nouveau-né, c'est du coup un texte qu'on vous invite à venir écouter ce soir, et qui est une critique assez forte de la société contemporaine, et du coup, où c'est un nouveau-né qui dresse le portrait du monde dans lequel il arrive et qui ça l'enchante pas tellement d'arriver dans ce monde-là. Voilà. Ok, bah du coup demain, c'est ça, hein, c'est demain. Le 11 avril, c'est demain, oui. C'est demain. Au CCL. Alors, ouais, en plus, il y a une projection. Alors, tout ça, c'est dans le cadre d'un festival spécial René Vautier. Donc, demain, il y a le film Déjà le sang de mai, ensemé novembre. Alors en fait, ce film retrace l'histoire de l'Algérie depuis la période précoloniale. Il est ponctué d'interviews de Kateb Yassine, fondateur de la littérature algérienne moderne, qui raconte et analyse l'horreur de cette guerre d'Algérie qui ne voulait pas dire son nom. Alors pour parler vite fait de René Vautier, en fait, du coup, la vie de René Vautier, bah, ça pourrait se résumer autant d'années de résistance cinématographique, rebelle, militant. Il s'est toujours efforcé de mettre l'image et le son à disposition de celles et ceux à qui des pouvoirs les refusent. Et c'est pas sans risque qu'il a combattu avec sa caméra pour témoigner des luttes de son époque et toujours tenter d'établir un dialogue en images pour agir sur les conflits. Et du coup, oui, il y a ce film-là qui passe du coup demain au CCL, le film de René Vautier. Et en fait, ça continuera avec dimanche une série de courts-métrages du coup de René Vautier, qui est du coup mort en début de cette année. Et c'était pour ça qu'il y avait l'idée de projeter quelques-uns de ses films. Et du coup, dimanche, toujours à 15h au Centre culturel Libertaire, là, ça sera une série de courts-métrages du coup, qui parle plutôt de l'Algérie et de la décolonisation de l'Algérie, dont René Vautier était présent et a filmé beaucoup ça. Et dans les choses qu'il y a demain, on revient à samedi 11, il y a une discussion à l'Insoumise au 4 10 rue d'Arras. 4 rue d'Arras, Je m'en souviens plus, c'est rue d'Arras en tout cas. C'est rue d'Arras, à 16h, et où du coup c'est une rencontre autour des luttes contre la maxi-prison qui est en train de se construire à Bruxelles, et des résistances contre ce projet. Du coup, en Belgique, l'État envisage de construire une énorme prison de 1200 places à Bruxelles. Et ce projet vient pas de nulle part, puisque il vient dans toute une série de transformations du système carcéral en Belgique, et où du coup il y a eu de nombreuses transformations du système carcéral et plein de choses assez horribles qui se sont passées ces dernières années en Belgique, mais aussi beaucoup de luttes contre les prisons qui ont été très fortes à Bruxelles. Et du coup, l'idée, c'est de discuter avec des personnes qui sont présentes sur ces luttes à Bruxelles, notamment des personnes qui sont dans un local qui s'appelle Le Passage, qui est un local qui a été ouvert spécialement pour organiser les luttes contre la construction de cette prison à Bruxelles. Et du coup, c'est une discussion autour de cette lutte, de ses pratiques et de ses manières de s'attaquer à des projets du pouvoir de façon autonome et auto-organisée. Oui. Rencard demain, 16h, à l'Insoumise. Ok, et du coup, alors, ah oui, c'est dimanche du coup, dimanche 12. Ah bah non, ça a déjà été dit. Papa. Ouais, ouais. Mais du coup, je vais parler des concerts alors. Eh bah, ou sinon, on peut dire que lundi, il y a le ménage aussi. Ah ouais, alors, lundi, bon, on n'est pas obligé d'en faire 15 caisses, mais si vous savez pas quoi faire lundi soir et que vous avez envie de filer un coup de main pour le grand ménage mensuel du CCL, le rencard, c'est lundi 17h au CCL, 4 rue de Colmar. fatigue. Allez. Bon, et du coup, on enchaîne avec les concerts. Vas-y, je t'en prie. Alors, préparez votre agenda parce que là, je vais lancer pour plusieurs jours. Alors, on commence avec mardi 14 à 20h30. Il y a 4 concerts. Il y a Mover Fakir, Tenshun, Walter Gross. Alors, Mover Fakir, c'est du. C'est un fakir. C'est un fakir. Du coup, c'est okay. Un spectacle de fakir qui qui se plante des trucs dans le bide et tout. Pour de vrai. Tenshun, c'est du dark hip-hop, qui vient des USA. Walter Gross, c'est du Ivy Beats. Alors, ensuite, il y a quoi d'autre comme concert? Et c'est à prix libre, du coup, au Centre culturel Libertaire. Et après, on continue sur les concerts quand même. Jeudi 16, toujours au CCL, à 21h, toujours en prix libre, il y a Sourdure, psychédélique traditionnel. Donc je pense que c'est de la musique psychédélique et traditionnelle. C'est ça. Et puis Luzerne, donc c'est du free rock. Volo, volo, pour et les concerts. Voilà, et sinon, dans les autres choses qui se passent la semaine prochaine, comme tous les mercredis à 18h30, il y a le rencard à Place de la République pour la manifestation organisée par le collectif des sans-papiers 59. Du coup, pour soutenir les sans-papiers et sans-papières en lutte, qui luttent pour avoir des papiers et le droit de vivre chacune le souhaite. Et l'autre rencard, c'est du coup toujours ce même mercredi 15 avril, cette fois au CCL, et à 18h, avec un atelier sur la non-mixité, du coup les pratiques d'organisation en non-mixité, notamment en non-mixité féministe, du coup sans mec. Et du coup, là, c'est un atelier pour expliquer ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est les avantages de ce genre de pratique et pourquoi parfois il y a besoin d'avoir ce genre de mode d'organisation. Et du coup, là, ça sera un atelier sur la non-mixité en mixité. Yes. Alors ensuite, dimanche 19, alors à la pépinière, ça se trouve à rue du Faubourg de Roubaix, donc c'est à Lille. Il y a la 5e édition de la Block Party hip-hop. Donc c'est de 13h à 17h. Alors du coup, il y aura des open mic, des DJ, graphes, danse. Et c'est aussi en soutien à la pépinière. Donc rappelons, la pépinière, en fait, c'est un terrain. C'est l'ancien dernier bail rural de Lille. Donc c'est un bail rural, c'est une terre qui est non constructible et cultivable. Et du coup, c'est dans le délire d'expansion du SPLE Rallye, en fait. Donc, c'est à peu près 2 hectares de nature. Et aussi des habitants, des propriétaires qui ont leur maison, qui on leur demande de partir. Ils ne veulent pas forcément partir. Rappelons aussi que c'est des semblants de... En fait, les voisins ne sont pas d'accord non plus avec ce qui va se passer. Il n'y a aucune concertation, il n'y a personne qui l'a entendu. Et du coup, il y a des luttes. Et donc là, quoi de mieux de faire la bloc party qu'ici. Et je fais un petit rappel aussi. Tous les dimanches, il y a l'occasion d'aller à la pépinière. Voilà. Ok. Et dans la série des rendez-vous qui sont réguliers toutes les semaines, là, du coup, il y a le rencard du dimanche. Du coup, en face, la pépinière, c'est dans la rue du Faubourg de Roubaix, c'est ça? Ouais. Rue du Faubourg de Roubaix, juste derrière Ralille. C'est, ouais, voilà. Et c'est en face de la place en triangle, en fait, c'est Désiré Boucher. Ok. Voilà. Et dans la série des rencards qu'il y a toutes les semaines, il y a la cantine au CCL tous les lundis et vendredis midi, entre midi et 14h. Il y a le petit-déj au CCL tous les jeudis matins. Et à l'insoumise, une cantine végane aussi, les jeudis soirs, entre 20h et 22h, un truc comme ça. Et puis dans la série des rencards réguliers, il y a aussi, on peut rappeler que la bibliothèque du Centre culturel libertaire est ouverte. Les mardis de 16h à 19h et les samedis de 15h à 18h. Et juste, elle sera fermée le 18, vu qu'on sera au salon du livre libertaire de Gand en Gelbic. Voilà, on rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter tous ces rencarts, vous pouvez les retrouver sur plusieurs sites. On peut nommer notamment le site lille.ndmedia.org ou le site lille.cibertaria.org. Éventuellement, il y en a quelques autres rencarts aussi sur Démosphère, lille.démosphère.eu. Ou sinon, on va dans les lieux et puis il y a les petits programmes du voilà. Mois aussi. Ouais. Parfois, on arrive à les trouver. Et du coup, on va, après cet agenda, passer un petit morceau de musique. On va s'écouter un morceau de ZX qui s'appelle States of Shock. We'll be right back. precious frog. Might be my princess, maybe her name is Fred. The stupid cloud will fade to refill my thanks. This made of shock is a merry-go-round. Under a fireproof blanket, shock set blank down, block bad tank down, long thread bang clowns, strong thread bangs round, shock set blank down, block bad tank down, long thread bang clowns, strong thread bangs round. Qui écoutiez VX, on est toujours sur Radio Campus 106.6, la voix sans maître. Ouh. Et ouais, et du coup, on va enchaîner en vous causant un petit peu d'une pétition qui a été publiée fin mars sur internet, qui s'appelle Laissons les filles tranquilles, et qui est une pétition qui demande l'abrogation de la loi de 2004 sur le port des signes religieux dans les établissements scolaires. Alors du coup, on s'en rappelle sûrement, c'est une loi qui avait fait pas mal parler d'elle. Elle s'appelle loi contre le port des signes religieux dans l'établissement scolaire. En fait, elle est plus connue sous le nom de loi sur le voile, puisque c'était exactement ça qui était ciblé. C'était pas du tout des petites croix ou des kippas, mais c'était bien des voiles portés par des jeunes filles musulmanes. Et du coup, c'est une loi qui avait entraîné tout un tas d'affaires, tout un tas d'exclusions de jeunes filles d'établissements scolaires pour des bouts de tissu, des bouts de fichu sur leur tête. Et du coup, c'est une pétition qui du coup sort un peu plus de 10 ans après cette loi pour en demander l'abrogation. C'est une pétition qui est lancée, en tout cas, écrite et proposée par tout un groupe de féministes, et qui place du coup qui repose la question de qu'est-ce que c'est cette loi, notamment à travers une analyse féministe, en questionnant qu'est-ce que ça a produit. Alors, qu'est-ce que ça a produit clairement, cette loi ? Ça a produit l'exclusion de jeunes filles d'établissements scolaires. Et du coup, je vais vous en lire quelques bouts. La question n'est pas de savoir ce que les féministes que nous sommes pensent de la religion en général, ou de l'islam en particulier. Quel sens symbolique ou politique nous donnons au port du foulard islamique, qu'il soit volontaire ou imposé. La question, c'est quand encore une fois, on relègue les femmes au statut de victime, qu'on propose de les exclure pour mieux les libérer. Encore une fois, le corps des femmes est un champ de bataille, une ligne de front sur laquelle s'affrontent des idéologues au nom de leur libération. Et c'est aux filles et aux femmes musulmanes que la France demande de payer le prix de la laïcité. Aujourd'hui, 10 ans après le vote de cette loi, qu'a-t-on gagné ? Combien de discriminations et de violences ont été commises en son nom ? Des femmes voilées ont été agressées ? Des mères ont été discriminées ? À ce prix, la France est-elle devenue plus laïque ? Non. Le port du voile a-t-il régressé, comme les promoteurs de la loi l'espéraient ? Non. Des filles ont été exclues de l'école. Les camps se sont durcis. La violence contre les femmes a augmenté. Nous sommes féministes et nous croyons que sommer les filles de 10 ans de choisir un camp, le camp de la famille et entre le camp de la famille et le camp de l'école, entre la religion et la laïcité forcée, n'est pas la solution dont ces filles ont besoin pour s'émanciper. « Ne me libérez pas, je m'en charge », dit un vieux slogan féministe. Car ce n'est pas comme ça qu'on libère, c'est comme ça au contraire qu'on contribue à aliéner ceux qu'on prétend libérer. Le corps des femmes n'appartient à personne, pas plus à ceux qui veulent lui imposer le voile qu'à ceux qui veulent le lui retirer de force. Ce n'est pas en arrachant le voile d'une écolière ou en la chassant de l'école publique qu'on fera reculer le sexisme, bien au contraire. Laissons les filles tranquilles, laissons-les réfléchir et discuter ensemble des voies et des moyens de leur propre libération, qu'il s'agisse de se libérer de la norme sexiste, du dogme hétérosexuel ou des interdits religieux, de la symbolique de tel fichu ou de tel chiffon, de la morale et du sacré, des injonctions à montrer ou à cacher son corps et ses désirs. Et quoi de mieux pour cela que des bancs et la cour d'une école ? Alors du coup, cette pétition rappelle aussi que l'école, du coup, c'est pas un lieu forcément merveilleux, mais en tout cas, c'est un lieu dans lequel on peut apprendre des choses qui permettent l'émancipation. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'école nationale, c'est merveilleux, et c'est toujours un endroit où on apprend des choses, et apprendre des choses, c'est aussi apprendre à réfléchir, et c'est par là que passe l'émancipation. Et ce texte, il revient aussi sur qu'est-ce que c'est la laïcité, et qu'est-ce que c'est la laïcité, et notamment la dérive que a subi le terme de laïcité depuis sa définition et du coup la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État, jusque du coup cette loi qui un siècle après la loi de 1905 interdit le port des signes religieux à l'école. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que du coup la loi de 1905 elle défend une conception de la laïcité ou de dire que tous les cultes doivent être l'État ne doit pas se mêler des cultes, et que du coup l'État ne doit pas intervenir dans ce que croit chacune, mais au contraire il doit être garant d'une liberté de culte, et c'est pas une conception de la laïcité qui soit répressive, mais c'est plutôt une conception de la laïcité qui permet que chacun chacune croit en ce qu'ils veulent ou pas. Et du coup, je sais pas, en tant qu'anarchiste, ou par exemple on pense que les religions constituent la plupart du temps des freins à l'émancipation, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas parce qu'on considère que penser qu'il existe des dieux ou des institutions qui soient transcendantes, c'est quelque chose de qui soit mauvais pour l'émancipation, mais en tout cas on pense pas que imposer le fait qu'il ne faut pas croire en Dieu, ça soit un bon moyen de travailler à ce que que tout le monde s'émancipe. Bah, de toute façon, il y a le mot imposer déjà à partir du moment où tu imposes. Oui, voilà. Et du coup, c'est tout le sens de cette pétition. Peut-être juste pour terminer là-dessus, juste rappeler que le site sur lequel on peut télécharger, on peut signer cette pétition, et que la pétition elle s'appelle Laissons les filles tranquilles. Du coup, le site sur lequel il y a moyen de signer cette pétition s'appelle Laissons les filles tranquilles, tout attaché, .wordpress.com. Et puis, faire une petite sortie en revenant sur une réflexion qui était portée par Pierre Thévanian sur un site qui s'appelle Les mots sont importants, qu'on vous invite à aller voir de temps en temps. C'est un site qui s'appelle Les mots sont importants, lmsi.net, et où du coup lui il revenait sur cette histoire justement de neutralité de l'espace public qui est revenue particulièrement après les attentats du 7 janvier dernier. Et où il disait cette citation de Jean Jaurès qui est assez chouette, qui dit « Il n'y a que le néant qui soit neutre ». Et pour dire que derrière cette idée de neutralité de l'espace public, c'est l'espace qui doit être neutre et c'est pas du coup le public. Alors que derrière tous les injonctions et les discours qu'ont porté ce terme, il y avait plutôt la volonté qu'il n'y ait plus aucun signe, que personne ne porte plus de signe, quel qu'il soit, dans l'espace public, ce qui est vraiment une volonté complètement stupide. Et en tout cas répressive d'un point particulièrement fort, surtout que c'est encore un discours qui stigmatise et monte du doigt une population particulièrement déjà précaire, qui sont les personnes musulmanes des quartiers populaires. Et voilà. Du coup, c'en est tout pour ce petit point. On va passer un petit morceau de musique. On va passer... alors, si j'y arrive, c'est pas gagné tout de suite, mais on va essayer de passer un morceau de Rapace. Et non Ravage. Et non Ravage. Alors, est-ce que ça veut bien ? Non, ça ne veut pas du tout. Non. Ça veut pas du tout. Eh ben, peut-être que vous allez entendre Ravage, Rapace ou pas du tout. Mais pour l'instant, ça paraît mal barré. Et eh ben, du coup peut-être tu peux faire une petite blague. Non, pas une blague. Je vais faire un ta-ta-ta, tout faire soi-même, ta-ta. Vous êtes chez vous, vous vous ennuyez, vous avez envie de changer de tête, et ben c'est pas très compliqué, carré plongeant, aujourd'hui j'ai testé, ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une bonne grosse de courage, parce que quand même, après que je vous ai dit comment ça marche, on se dit où est-ce qu'elle m'emmène ? Mais non, ça le fait. Ensuite il faut un élastique, une paire de ciseaux, une copine ou un copain. Alors l'idée c'est d'attacher ses cheveux en queue de cheval, bien serrée, bien tendue, tout ça, une queue de cheval très basse, hop, après on s'arme de courage et tac, on coupe les cheveux. On enlève la queue, on enlève l'élastique et là, aux joies, on a un carré plongeant. Et voilà, en 30 secondes, c'est fait, on change de tête. Bim. Très bien, après les conseils coiffure, on va écouter de la musique. Et du coup, on va pas écouter Rapace, puisque ça ne veut pas marcher. Mais on va plutôt écouter Billie Holiday. C'est pas avec... mal aussi. C'est pas mal aussi. Et du coup, un titre qui s'appelle Gloomy Sunday. Billie Holiday, dont il y a quelques jours, c'était le centenaire de la naissance. Très vite, on rappelle peut-être que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91 24 00. 03 20 91 24 00, c'est la voix 100 mètres, et à tout à l'heure. Sunday is gloomy, white flowers will never waken you, not where black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday, gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, I find you asleep in the deep of my heart. Here, darling, I hope that my dream never haunted you. Ah, qu'est-ce que c'est beau, hein. Ah, vous écoutez toujours Radio Campus, c'est la voix sans maître qui continue. Et tout de suite après, du coup, cette chanson de Billie Holiday, on va vous causer d'un texte paru dans un fanzine il n'y a pas très longtemps. Ouais, exactement. Alors, c'est paru dans Déviant Rose. Déviant Rose, c'est quoi? C'est un fanzine qui attenant aux Flamants Roses, en fait. Les Flamants Roses, c'est une des associations fondatrices du centre LGBTIF. Alors, en fait, les Flamants Roses, par exemple, ils luttent contre toutes les discriminations, et en particulier celles qui sont liées à l'orientation sexuelle et aux identités de genre. Donc pour celles et ceux qui ont l'occasion de lire, c'est un assez bon fanzine. Et là, pour le coup, je vais parler du caractère polymorphe et multicolore du relou en milieu urbain de Clémy Wonder. Alors c'est parti. Non mais qui ne respectent pas les femmes chez eux, c'est leur problème. Mais si, on est en France. Je suis pas raciste, hein. Mais j'en ai marre de me faire draguer dans la rue. C'est dans leur culture, ils n'ont pas le même droit à la séduction. Ils n'ont pas le même rapport à la séduction, pardon. Ces déclarations n'ont pas particulièrement été tenues par des membres du FM ou même des personnes se pensant racistes. Non, ce sont des déclarations que j'ai entendues, que j'entends régulièrement, dès que l'on parle de harcèlement de rue. Parce que, comme en parlait récemment un article de Rue 89, c'est un fait. Pour beaucoup de personnes, y compris les victimes de harcèlement de rue, les agresseurs de rue ne sont que des mecs de banlieue, de cité, de quartier populaire. Que des immigrés, des fauchés, des lascars, des caïras, des wesh, des rebeux, des renois. On parle souvent de harcèlement de rue, avec beaucoup de personnes. Et la récurrence des déclarations précédentes m'attriste. Non, elles me révoltent en fait. Elles me mettent hors de moi. Parce qu'en ne parlant que d'un type très spécifique de harcèlement, mes copines blanches et ou bourgeoises invisibilisent totalement un autre type de harcèlement que pourtant les femmes racisées vivent aussi fréquemment et avec autant de violence. J'habite dans un quartier très bourgeois, qui est aussi le quartier des putes de Lille. Il y a quelques semaines, un homme d'une cinquantaine d'années se dirige vers moi. Rapidement, sans se présenter, ni même me saluer, même pas un « wesh la miss », Le mec me propose de baiser. Il a de l'argent, il veut bien en mettre. Le temps de comprendre et de réagir, et je tente de m'éloigner en déclinant, agacé. Mais le monsieur m'attrape, me bloque contre le mur et insiste, en chuchotant. « Allez, j'ai envie, je peux payer. Laisse-toi faire, je te trouve bonne. » Les supplications du gamin persuadé que le fait qu'il ait très envie justifie qu'il prenne. Il me faut encore quelques secondes pour réagir et puis j'explose. Je l'insulte de tous les noms que je connais. Je le repousse, je me dégage, je hurle, je le pourris, il s'éloigne. Dans la rue, les passants sourient, amusés. Moi, je tremble, je bouillonne et ne vois pas ce qui les amuse. Et alors que je me remets en route, j'entends le vendeur du magasin de chaussures d'à côté, sorti pour voir ce qui se passait. Déclare à sa collègue, « Non, rien, juste une pute qui fait du scandale. » Une bourgeoise se serait fait coincer, comme moi, par un lascar ou un mec racisé. Les gens se seraient empressés de lui demander si ça va. Elle n'a rien, ne veut-elle pas appeler la police? Mais je suis une meuf racisée, en mini-short et collant troué, qui décline les avances d'un monsieur qui doit porter 3 mois de mon salaire, 3 mois de mon loyer sur le dos. Et je ne suis rien d'autre qu'une pute qui fait du scandale. Parce que décliner les avances d'un homme de classe supérieure, c'est faire du scandale, faire l'intéressante. C'est moins légitime que de repousser celle d'un kiké. Parce que pour un homme, argent est gageur de pouvoir de séduction. Parce que l'époque où on renversait les gueuses dans un coin de ruelle sans en payer la moindre conséquence n'est pas si lointaine. Ils sont bien blancs aussi. Les mecs qui me suivent en voiture avec parfois le siège bébé à l'arrière, jusque chez moi. Même après que je leur ai dit et répété que non, je ne suis pas en train de travailler, juste en train de rentrer chez moi, laissez-moi tranquille maintenant. Ils sont toujours blancs, ceux qui croient que l'argent leur donne le droit d'eux. Ils sont toujours blancs, souvent blancs, ceux qui m'exotisent et projettent sur moi leurs fantasmes de néocolons en accompagnant leur drague de tous les clichés sur les noirs. Gazelle, tigresse, lionne, sauvage jaune, sauvage Beyoncé, Rihanna, n'importe quel noir sexy à la mode. Ils sont bien blancs aussi les mecs de l'école de commerce du quartier qui viennent s'abreuver de bière virile au bout de ma rue. Ils étaient tous bien blancs et de polo vêtus le soir où, après que j'ai décliné leurs invitations à rejoindre leur table, ils ont commencé à m'appeler Nafis à tout et à gueuler de façon à ce que tout le monde l'entende comment ils me prendraient quand j'aurais bu suffisamment ou laissé mon verre sans surveillance. Ils étaient une grande table de mecs blancs, de bonne famille, à trouver hilarant de me menacer explicitement, mais pour déconner, de viol, pour me punir de les avoir éconduits. C'est au cours d'une soirée d'école d'ingénieur qu'après que j'ai poliment repoussé la drague polie d'un mec très poli, que je me suis fait traiter de sale négresse et fait expliquer qu'il fallait pas que je me fasse de film, que je n'étais qu'un choix de repli. Les filles comme moi ne font partie que de celles qu'on veut baiser quand on s'est pris un stop par les meufs qu'on veut épouser. Dans le travail aussi. C'est un bon bourgeois qui, alors que j'étais encore stagiaire, m'appelait sur mon lieu de travail, saluait mes boss avant de leur dire « C'est à votre petit stagiaire que j'ai envie de parler. » C'est un grand bourgeois qui, un soir de vernissage, a essayé d'obtenir de moi des gâteries dans la cuisine de la galerie, me promettant qu'il ferait de moi quelqu'un, comme si je n'étais personne. C'était un blanc qui, en réunion, devant mes collègues et mes supérieurs, s'amusait à commenter mon tour de taille, à se plaindre que du fait que je refusais ses invitations à dîner. C'est un groupe de blancs qui, après la réalisation d'un projet commun, a trouvé drôle de proposer de me faire tourner pour fêter notre succès. Ce sont toujours des blancs qui m'ont menacé de me griller dans le milieu si je ne me mettais pas à quatre pattes. Ce sont toujours des blancs qui m'ont prise en otage et ont joué de leur position de pouvoir pour que je me sente coincée, humiliée, affichée, obligée. Ce sont toujours des blancs qui m'ont fait sentir que, quoi que je fasse, quoi que j'accomplisse, à un moment ou un autre, on me mettra toujours à ma place de chatte sur place. Ça, chatte sur jambe. Alors oui, je sais. Et allez, wesh la miss, et les mademoiselles, t'es très très charmante. Mais il n'y a pas de mystère, les gens. Si les banlieusards et les lascars sont un peu en avant sur le harcèlement de rue, c'est que le harcèlement de bureau et le harcèlement de bar sont déjà pris. Et qu'en fait, les banlieusards et les lascars, on n'a pas trop envie de les voir ailleurs que dans la rue. Les banlieusards, les lascars, les wesh investissent l'espace qu'on leur laisse. Je ne dis pas que leur sexisme est moins grave ou moins violent. Je dis qu'il serait temps d'arrêter de ne parler que de celui-ci. Pendant qu'on s'acharne sur celui-ci, celui de l'assassin déplie ses jambes et s'installe. Et de remettre les choses à leur place. Non. Ce qui est révoltant, ce n'est pas de se faire draguer par un homme de classe inférieure. Non. Ce qui est vexant, ce n'est pas qu'il me prenne pour une fille de son quartier. Non. Le problème n'est pas que son vocabulaire ou sa répartie soit limitée et que sa drague manque de prose ou de mots à 3 syllabes. Ce qui est révoltant, c'est d'être sexualisé, tout le temps, tous les jours, dans tous les contextes. Ce qui est vexant, c'est la banalisation de l'insulte sexiste dans l'espace public. Le problème, c'est que je me sens moins légitime à aller et venir dans cet espace. Le problème, c'est que malgré mon droit inaliable de me promener, j'ai envie de m'excuser d'être présente. Je me sens comme une intruse sur le pavé, comme une invitée suspecte dont on épierait les faits et les gestes. Et le cul. Qu'on se le dise, une fois pour toutes, le harcèlement de rue n'a pas d'origine géographique, de religion ou de culture, à part celle du viol. Le harcèlement de rue est la conséquence du patriarcat. Et le patriarcat n'est pas défendu par les seuls banlieusards, mais par tous ceux qui croient et affirment qu'il est le fait des autres. Le patriarcat porte autant de costards, cravates, Hugo Boss que de survêtes, Lacoste ou le jean Célio. Mais il semblerait qu'il soit plus aisé de se plaindre de l'un que de l'autre. Chères personnes antisexistes, subir une oppression ne devrait jamais être un prétexte pour en exercer une autre. Se révolter, c'est très très bien. Le faire avec intelligence et sans ethnocentrisme, c'est mieux. Bisous. Moi je le sais qu'il n'y a pas de tigresse en Afrique. Ce sont les relous qui ne sont pas au courant. Clément Wonder. Alors, voilà. Je pense que ce texte il est assez complet en fait. Je voulais en parler parce que moi-même, enfin, je voulais pour aussi en fait être victime et avoir été victime de harcèlement de rue et de violence. À un moment, je voulais écrire quelque chose et j'arrivais pas. Et en fait, je suis tombée sur ce texte-là et en fait, je le trouve vraiment très intelligent en fait et bien écrit et ça rappelle en fait. D'élargir effectivement en fait de sortir de son esprit étriqué parce que moi-même j'ai un peu parlé avec des amis de la famille et je me suis rendu compte que effectivement le harcèlement c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des banlieusards ou enfin des mecs relous enfin voilà toujours un truc racisme enfin voulu pas voulu mais enfin quand même présent et du coup je trouvais ça intéressant de rappeler que il y a toujours, le harcèlement, c'est pas réservé à une seule population, une seule, enfin voilà, c'est juste le harcèlement de rue, on en verra toujours, on en verra encore, et des fois, même, on se rend compte que c'est parmi les potes, mecs, qu'on peut se retrouver aussi face à des violences sexistes, et que pour ça, il faut juste s'armer. S'armer de texte, s'armer de potes, s'armer de réflexions. Et je trouve que c'est déjà une très bonne piste de réflexion que celle-ci. Voilà. Peut-être qu'on peut dire que du coup, c'est un fanzine qui se retrouve assez bien, soit au centre J'en suis, j'y reste, rue de Condé, soit on peut en trouver, je pense, en cherchant dans quelques lieux, autres lieux à Lille. Et puis du coup... LGBT, tout ça, ouais. On se fait une petite pause musicale, peut-être ? Allez, c'est parti. Allez. Petite pause musicale. On écoute Riam et on revient juste après. Et du coup, on redit le numéro de téléphone si vous voulez. Nous appelez 03 20 91 24 00. Et là, on écoute quoi du coup ? Riam. Riam. Tour Paravage. Eh non. Rapace. Allez, à toutes. Ouais, à toutes. Du mal à m'extirper des griffes du système. J'suis ambive entre mes tirs et mes fers. Je marche au pas sans la carrure d'un soldat. Mais j'prends la résistance depuis mes premiers pas. J'm'enferme dans leur case petit à petit. Babylone me consume à petit feu petit. Le pouce sur un tactile ou sur un 15 pouces. Babylone me pousse vers les sorties. J'communique en abrégé, voire en algèbre. Mais crois-moi, rien ne vaut un je t'aime en réel. C'est le couloir dans ma tête, je peux pas le cacher. J'ai le cerveau comprimé entre deux cachets. Éternel, incertaine, le cul entre deux chaises. Un jour je te souris, un jour je te crève. Mes doutes ont pris le dessus sur le tatami. Faut que je me relève avec la force d'un sumotori. mal à être à l'aise, un stress m'ont failli, pourri mon organisme, c'est le malaise de la ville où l'opulence est placardée sur un mur en plâtre, place selon ton statut, prolo ou cadre, où on avance tous dans le même sens. Un troupeau de moutons qui broute l'obéissance. J'ai l'étiquette de l'impertinente, celle qui critique les séries à la présidence. Comportement troublant, inquiétant, hésitant, stressant, insolent, voire violent. Je broie du noir sur le continent, ça s'arrange pas en grandissant. Ces crises de l'Occident, ils veulent disséquer mon cerveau, voir d'où proviennent mes mots. Je leur ai mis une disquette sous un sourire de bimbo. Mon stress me ronge, me fait perdre ma foi. Si ça faut que je m'éclipse dans la Sierra. Mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre, leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. D'ici faut que je bouge avant de devenir ouf, avant qu'arrive mon dernier souffle. Guidé par mes doutes, je m'enfonce dans le gouffre, leur système me bouffe, c'est mon cœur qui souffre. Je bouge d'ici où je marche au pas, mon Dieu aidez-moi à être un véritable soldat. Vous êtes toujours sur La Voix sans maître, sur Radio Campus 106.6 FM, et on écoutait Riyam avec un morceau qui s'appelle Crise de l'Occident. Pour terminer cette émission, on me propose une petite chronique de livre, et du coup un livre qui s'appelle... Maria Nikiforova, La Révolution sans attendre, l'épopée d'une anarchiste à travers l'Ukraine entre 1902 et 1919, qui est un livre de Mila Kotlenko et qui est édité par Mutins Éditions, qui vient d'être édité il y a vraiment pas très très longtemps. Et alors, en septembre 2014. Ce livre, il est particulièrement chouette puisque du coup, il revient sur une période et un bout d'histoire qui est assez peu connu finalement, qui est enfin en tout cas cette lecture de cette période qui est la révolution bolchévique et notamment la place des anarchistes qu'ont joué, la place que les anarchistes ont joué dans la révolution russe est assez peu connue, alors que en fait elle est particulièrement importante et que comme on sait bien que l'histoire c'est toujours l'histoire des vainqueurs, l'histoire de la révolution russe c'est l'histoire que l'Union soviétique a écrit et du coup qui est une histoire toute à sa gloire et qui est pas forcément très glorieuse. Ce livre c'est l'histoire d'une anarchiste ukrainienne qui s'appelle Maria Nikiforova et qui était une anarchiste à la tête d'un groupe armé qui s'appelait Druzina, pardon, excusez-moi, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ça, qui était du coup un groupe armé anarchiste en Ukraine pendant la révolution bolchévique. Alors c'est particulièrement intéressant parce que du coup c'est une femme à la tête d'un groupe anarchiste et d'un groupe armé qui était particulièrement combatif dans cette région-là. C'était une anarchiste qui combattait à côté de Makhno, qui est peut-être un peu plus connu dans les anarchistes ukrainiens de ce moment-là. Et du coup, ce livre, il fait une trajectoire biographique depuis le début de son engagement dans des groupes anarchistes au début du XXe siècle jusque sa mort pendu par le pouvoir bolchevique en 1919. Du coup, ça rappelle un autre livre qui parle de cette, qui est un peu plus classique, un peu plus nu, qui parle de cette période-là, qui est le gros livre de Voline, qui s'appelle La Révolution inconnue, qui lui aussi retrace l'histoire des anarchistes, du coup, pendant la Révolution russe, au début du XXe siècle, et qui revient du coup sur le rôle important qu'ils ont joué et sur la persécution dont ils ont fait part les soviétiques, et notamment dans ce livre-là par Lénine et Trotsky, qui était alors son ministre. C'est un livre qui est intéressant aussi parce que c'est une période qui est particulièrement compliquée avec des changements politiques fréquents et qui est une période très violente, une période où c'est assez compliqué de voir, d'avoir une lecture claire, où on voit bien que du coup Maria Nikiforova mais Makhno par exemple, même s'ils sont anarchistes tous les deux, ils ont des vraies divergences sur la stratégie à adopter et notamment sur la stratégie à adopter et sur les jeux d'alliance. Et c'est particulièrement intéressant puisque du coup il y a ces groupes armés anarchistes qui prennent part à la révolution russe et qui parfois se retrouvent à faire alliance avec les bolcheviks et du coup avec des communistes beaucoup plus autoritaires qui eux veulent une prise du pouvoir bourgeois pour installer pour arriver au communisme, alors que Maria Nikiforova et Makhno pensent qu'il faut pousser le processus révolutionnaire beaucoup plus loin et pas justement passer par une période de prise de pouvoir et de ne pas s'emparer de l'appareil d'État, mais du coup éliminer toute forme d'autorité et de pouvoir tout de suite sans du coup passer par une forme de la dictature du prolétariat et des choses comme ça. Du coup, c'est intéressant parce que du coup, ce livre il rappelle du coup ce vieil antagonisme entre des communistes bolcheviques, des communistes qui pensent qu'il faut passer par une période qu'il faut garder l'État bourgeois pour arriver jusqu'au communisme, ou du coup des anarchistes, anarchistes communistes aussi, qui se revendiquent du communisme, mais qui eux pensent qu'il faut du coup placer la liberté tout de suite comme valeur particulièrement importante et du coup la liberté au cœur du projet d'émancipation et pas du tout composée avec des structures de domination. Et alors du coup, on voit bien dans ce livre-là les moments où il y a une alliance des anarchistes avec les bolcheviks, notamment parce que c'est une période de guerre, une période de conflit social extrêmement dur et extrêmement violente, où le pouvoir, les gens qui détiennent le pouvoir et les pouvoirs de l'Europe n'entendent pas voir la révolution russe triompher comme ça, et où du coup il y a des forces contre-révolutionnaires armées et particulièrement fortes, pardon, qui sont des vrais obstacles et qui mettent une guerre sans bataille aux révolutionnaires. Du coup, c'est particulièrement complexe pour ça. Mais du coup, on voit bien à travers ces jeux d'alliance occasionnels, où parfois il y a des moments d'alliance et des moments où il y a des conflits particulièrement violents, des expropriations du pouvoir communiste, que c'était plus compliqué que ça, a priori, d'avoir une lecture au moment de ce truc-là. Il y a des choses qui sont particulièrement fortes, du coup, et qui sont particulièrement réjouissantes dans ce livre, c'est qu'il est assez vivant et que du coup on voit bien qu'est-ce que ça peut être ces groupes, ces armées anarchistes. Peut-être je vais vous lire un petit bout d'un texte qui est justement une adresse des anarchistes au un tract adressé aux bolcheviks. Vous êtes au pouvoir en Russie, mais qu'est-ce qui a changé? Les usines et les terres ne sont toujours pas aux mains des travailleurs, mais dans celles de l'État patron. Le salariat, le mal fondamental de l'ordre bourgeois, continue d'exister. Et c'est pour cela que la faim, le froid et le chômage sont inévitables. À cause de la nécessité de tout supporter, pour un avenir meilleur, de défendre ce qui est déjà acquis, un énorme appareil bureaucratique s'est créé. Le droit de grève est aboli. Le droit à la parole, de réunion, de presse sont supprimés. Vous engendrez un chauvinisme militaire rouge, mais qu'est-ce que la classe ouvrière a à défendre? Vous dites que la bourgeoisie est écartée, que la classe ouvrière est au pouvoir? Nous répondons qu'il n'y a que quelques ouvriers au pouvoir, et encore, ce sont d'anciens ouvriers, séparés de leur classe. Les opprimés ne peuvent être au pouvoir par définition, même si le pouvoir se proclame prolétarien, ce qui est alors le plus grand des mensonges. Vous allez nous objecter que vous aussi vous voulez l'anarchie? Mais qu'il faut d'abord briser l'ennemi et qu'ensuite le pouvoir se désagrégera de lui-même. Nous croyons que vous pouvez avoir, personnellement, subjectivement, les meilleures intentions du monde. Mais objectivement, par nature, vous êtes les représentants de la classe bureaucrate fonctionnaire d'un groupe d'intellectuels improductifs. Nous ne prenons pas en considération votre enseigne rouge, mais seulement les faits. Et nous voyons que votre politique conduit à une véritable réaction à l'intérieur du pays, qu'il n'y a encore rien d'atteint ni d'acquis, et nous n'avons rien à défendre. Nous appelons à l'insurrection immédiate pour le pain et la liberté. Nous défendons la liberté avec les armes de la liberté et non pas avec celles de l'esclavage. L'attitude des anarchistes ne peut être que celle-ci à l'égard de tout pouvoir révolutionnaire, entre guillemets. C'est bien la différence entre le socialisme et l'anarchisme. C'est que pour nous, tant qu'il existe un pouvoir, rien ne change. Les bolcheviques l'ont très bien compris. Ainsi, dans sa brochure « Anarchistes et communistes », Preobrajensky considère le premier comme livresque et contre-révolutionnaire. Du coup, cet extrait de tract de 1918, ça éclaire assez bien ce qui se jouait, l'opposition entre les anars et les communistes, où du coup, il y avait vraiment une terreur qui s'installait par le pourvoir bolchevique, et notamment des lois très dures. Il y a des famines juste après l'installation du pouvoir bolchevique en Ukraine et en Union soviétique, et c'est contre ça que les anarchistes, notamment en Ukraine, puisqu'ils étaient assez présents là-bas, luttent. Alors du coup, ça se termine pas très très bien comme histoire, puisque les communistes supportent assez mal qu'il y ait des gens qui s'affrontent et qu'ils soient pas d'accord sur la prise de pouvoir par les bolcheviques, et qui mènent du coup des procès complètement... scandaleux, quoi, où il y a vraiment aucun moyen de se défendre et où il y a des vraies purges chez les militants anarchistes, où il y en a vraiment des dizaines de milliers qui meurent assassinés par le pouvoir bolchevique. C'est ce qui arrive notamment à Maria Nikiforova, où un procès complètement bidon, ouais, c'est ça, et en tout cas où il y a aucune justice qui est rendue et aucun rien de, enfin aucune justice. Elle est finalement déclarée coupable d'un vol et d'être du coup contre-révolutionnaire et pendue. Pour terminer là-dessus, peut-être que c'est intéressant aussi par rapport pour penser la période contemporaine et pour penser les alliances entre anarchistes on peut avoir avec des groupes communistes. Exactement. Et notamment, ce qui me fait penser à ça, c'est le soutien qu'on a pu voir de certains communistes, de groupes communistes aujourd'hui qui défendent des tyrans comme Bachar al-Assad ou qui défendaient Kadhafi encore il n'y a pas très longtemps. Et là, du coup, on voit bien que des gens qui se déclarent communistes et qui défendent des bourreaux pareils, en fait, on n'a pas grand-chose en commun, même si on se retrouve parfois à lutter pour les mêmes choses localement. En fait, notre projet politique, il est quand même vraiment différent, et que il n'y a pas grand-chose à attendre de gens qui défendent des tyrans. Voilà, c'est